L'école secondaire pour orphelins de Rasonne est mise sur pied à la commune de Tangmyeon du secteur de Rasine. Elle est constituée d'un édifice à deux étages muni des classes et des laboratoires multifonctionnels et informatisés, du pensionnat, du gymnase et du réfectoire avec les conditions excellentes d'enseignement et de vie. La cérémonie d'inauguration a eu lieu le 1er mars en présence de Lim Gyeong-man, président du comité du parti pour la ville de Rasonne, des officiels intéressés, du personnel enseignant et administratif et des élèves de l'école, des bâtisseurs et des citadins de Rasonne. L'orateur a dit que l'école secondaire pour orphelins de Rasonne est le berceau de bonheur aménagé par le parti maire avec l'amour et les soins paternels du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il pour les orphelins. Après la cérémonie, les orphelins se sont installés au pensionnat, salués par les félicitations chaleureuses.